Alors lui, c'est le soldat qui a passé le plus de temps dans l'horreur. Et les gens, ils passent. Ah, bon. Ah, ah ouais.